ses rivages. Souffle, Esprit de Dieu, comme une force nouvelle qui nous conduit d'âge à l'âge. Souffle, Esprit de Dieu, sur cette assemblée réunie en prière. Souffle, Esprit de Dieu, répands ton onction et répands ta lumière. Souffle, Esprit de Dieu, j'entends Saint-Esprit. Saint-Esprit, consolateur, clarté. Souffle, Esprit de Dieu, nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte. Souffle, Esprit de Dieu, sur un chemin de vérité, de sainteté. Souffle, Esprit, conduis-nous au Père, là-haut dans la cité sainte. Souffle, Esprit de Dieu, j'entends santé. Saint-Esprit, consolateur, consolateur. Souffle, Esprit, dans nos vies, souffle, Saint-Esprit, souffle.